parler de moi. Même vous qui êtes madame un peu sans gêne, je ne vous oublierai pas puisqu'au fond je vous aime bien quand même. En attendant mon... Europe.